éteindre le feu de l'autre, souffler sur sa flamme. Je suis un écorché de braise qui brûle de l'intérieur de ma névrose. Je vois l'invisible qui a soufflé mon cœur. De l'étendard en feu à l'étendu en flamme, on éteindra tous ces amoureux pour ne plus les voir se consumer. On s'assume dans nos pleurs et l'on pleure nos états d'âme. Allez, dis-moi, madame, qui te rendra incandescent dans l'enfer de tes yeux de braise. J'ai mis mon habit de flamme, alors pour toutes tes courbes incandescentes, oui, je peux brûler. On se crame au fil du temps, dès que la mèche s'allume, au fin fond de ses braises, on finira ensemble, tout droit vers la lumière, on éteindra la bougie. De la première étincelle au premier feu, tu sais, de la jeunesse brûlante au fer forgé, au retour de flamme, tu sais, j'ai mis du temps pour l'incendie. On en récolte le fruit de nos passions enflammées, au feu brûlant de l'été, à ces hivers glacés, au grand brasier de demain, au soleil divin. Au soleil.